sabí, se la pasas encima. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين ناصر المستضعفين مجيب دعوة المضطرين وأشهد أن سيدنا محمدًا رسوله خاتم الأنبياء والمرسلين الرحمة المهداة للعالمين شفيع المذنبين قائد الغر المحجلين إلى جنات النعيم وعلى آله الطاهرين الطيبين وصحابته الأبرار أجمعين أما بعد إخوة الإيمان يقول عز من قائل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى كلنا يبحث عن السعادة السعادة هناك من يبحث عن السعادة الآنية وهناك من يبحث عن السعادة الحقيقية الأبدية وهم المؤمنون والمؤمنات والصادقون والصادقات mes chers frères, mes chères sœurs, Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans le Coran, dans la sourate Taha, « Et celui qui se détourne de mon invocation, de mon rappel, alors il aura une vie amère. » Amère, l'amertume. Tout le monde cherche le bonheur. Chacun de nous cherche le bonheur pour lui, pour sa famille et pour celles et ceux qu'il aime. Mais de quel bonheur s'agit-il ? S'agit-il d'un bonheur éphémère, instantané, que tu vas, avec lequel tu vas jouir quelques instants, et puis ensuite, ce sera regret, et ce sera malédiction, et ce sera perte ? Ou s'agit-il d'un autre bonheur sans faille, un bonheur éternel que tout croyant et croyante cherche. Et au-delà des croyants, tout sincère est en quête de sens vers ce bonheur vrai et non artificiel. Ikhwat al-Iman, kunna قد تكلمنا عن رحلة الإسراء والمعراج والفحوى منها والعبر والعظات ولكن هل سأل أحدنا نفسه كيف يكون معراج القلوب إلى حضرة علام الغيوب Nous avons évoqué tout à l'heure cette nuit extraordinaire, cet événement extraordinaire, qui est la nuit du voyage nocturne et puis ascensionnel, qui est une spécificité de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, un miracle pour lui, qui venait le consoler, comme on a vu, après cette année du chagrin, qui était un message de paix, de fraternité. Eh bien, y a-t-il pas un autre moyen d'arriver à cette ascension, de cheminer vers le Seigneur des mondes ? Comment justement arriver à purifier ce cœur pour qu'il puisse atteindre ces niveaux d'excellence et ces niveaux d'éveil, pour qu'il puisse arriver à ce bonheur sans faille et pour qu'il puisse être avec Allah tabaraka wa ta'ala. Cela demande évidemment une ascension. Comment s'établit cette ascension ou cette évolution? Ikhwat al-Iman. إن الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز بيّن لنا وظائف القلب أو خصائص القلب. قال أن القلب هو محطة الإيمان. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وأن القلب هو المسؤول الأول غدا يوم نلقى الله ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سليم هذا المراد. الله تبارك وتعالى في القرآن évoque plusieurs fonctions du cœur. Il dit d'abord que c'est le réceptacle de la foi. La foi réside dans le cœur. C'est pour ça qu'on l'appelle une science gustative. Ensuite, le Coran nous rappelle qu'Allah tabaraka wa ta'ala, ce qu'il veut de nous, c'est ce cœur. Il nous dit: il vous juge par les actions de vos cœurs. Et il nous dit également, dans le verset coranique, le jour où ni les biens, ni les enfants ne seront d'aucun secours, d'aucune utilité pour vous, si ce n'est celui qui vient à Allah tabaraka wa ta'ala par un cœur saint, par un cœur pur. Idan, إذا كان هناك قلب صافي نقي سليم فلماذا لماذا لأن هناك قلب غير صافي غير سليم كيف ذلك؟ الله تبارك وتعالى يقول في كتابه العزيز محذرا: وذروا ظاهر الإثم وباطنه. ويقول كذلك: قل إنما حرم ربي الفواحش, وسماها فواحشا, الفواحش ما ظهر منها وما بطن. Il faut savoir, mes chers frères, mes chères sœurs, que Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran nous met en garde non pas seulement contre les péchés extérieurs que vous connaissez déjà, mais également contre les péchés intérieurs qui sont plus graves parce que presque indécelables, subtils. Il nous dit, Allah tabaraka wa ta'ala, Allah a interdit les turpitudes, tant ce qui apparaît que ce qui est caché à l'intérieur. Donc ces péchés intérieurs. On a déjà parlé de ces péchés intérieurs, parmi eux l'orgueil, le kibr, l'autosatisfaction, l'ujb, la haine, la jalousie, la vanité, etc., etc. On avait dit que ces péchés intérieurs bloquent l'agrément de l'acte, vous voilent, et sont très durs à déceler. L'ostentation, etc. On avait même réservé des khutbas pour chacune de ces maladies du cœur. وقلنا أن أمراض القلوب هي خطيرة جدا. لأنها جراثيم تتسلط عليه فتصيبه بأمراض مختلفة الخطورة. هناك ما أسماه القرآن الران, كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هذه الجرثومة تأتي من الغفلة عن الله ومن الانغماس في الملذات واتباع الهوى. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ثم إن الله تبارك وتعالى يصف كذلك هذا القلب بأنه قد يصير إلى العمى، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. بل أكثر من ذلك، قد تموت، وهذه هي الطمة العظمى. ولهذا الله تبارك وتعالى يقول: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أقفالها أقفلت قلوبهم، ماتت. وكذلك يقول: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم، طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. وهذا الطبع يكون على المنافقين خاصة. Donc je disais, mes chers frères, mes chères sœurs, toujours dans cette continuité de ce que Allah tabaraka wa ta'ala nous informe sur l'anatomie spirituelle du cœur humain. Et au passage, je peux vous conseiller une œuvre magnifique de l'Hakim al-Tirmidhi qui s'appelle Risalatul Farq, qui parle de l'anatomie spirituelle du cœur et ses degrés: sadr, la poitrine, قلب الذي يتقلب الكور، لب الفؤاد، لا موال ايبينيير، لانتيريور دو كور، لاندروي دي سيكري، اكسيتيرا، pour qu'on puisse nous connaître nous-mêmes de façon plus proche. Connaître ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes. Cette anatomie spirituelle est très importante. Et vous allez savoir pourquoi. Donc je disais, Allah tabaraka wa ta'ala nous met en garde contre ces maladies et nous décrit même des sévérités de ces maladies. Il nous parle tout d'abord de ce qu'on appelle la rouille du cœur. Kalla barran, barran ala qulubihim. Que les cœurs peuvent être rouillés. Rouillés comment? Rouillés parce qu'ils se sont éloignés d'Allah. L'insouciance a fait que ce cœur a été atteint de rouille. Là, la bactérie, les virus, sont à leur premier niveau. À cause de l'insouciance, à cause de l'abandon de dhikr, à cause de la mauvaise fréquentation, la foi baisse, les bactéries, les virus rentrent, et on est dans un premier degré de maladie, qui est cette pollution qu'on appelle la rouille, ce voile qu'on appelle la rouille. Ensuite, Allah nous parle de la cécité, l'aveuglement du cœur. Il nous dit, ce ne sont pas les yeux qui sont atteints de cécité, mais bien les cœurs qui sont enfuis dans les poitrines, qui sont atteints d'aveuglement, de cécité. Et enfin, Allah nous parle de la mort du cœur, de cœur scellé, notamment des hypocrites. Maintenant, la grande question qui se pose, c'est pourquoi? Toujours dans le Coran, Allah tabaraka wa ta'ala, en citant les hypocrites, il nous dit: La yadhkuruna Allah illa qalila. Ils n'invoquent Allah que très peu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe et nous dit: Celui qui veut être épargné de l'hypocrisie, qu'il invoque Allah abondamment. Et on va y revenir. Donc, on comprend par cette petite introduction que il s'agit du cœur. Si on veut pratiquer un islam de fond, si on veut être accepté, agréé par Allah tabaraka wa ta'ala, il faut qu'on fasse attention aux maladies du cœur. Pas seulement à la forme, pas seulement aux maladies extérieures, mais aussi donner une importance toute particulière à ce cœur pour éviter qu'il tombe malade. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe dans le hadith authentique, il nous dit qu'il est le roi des membres. Ala wa inna fil jasad mudghatan idha saluhat saluha al jasad kulluh wa idha fasadat fasada al jasad kulluh ala wa hiya qalb. Il y a dans le corps, nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un morceau de chair. S'il est corrompu, tout le corps devient corrompu. S'il est saint, tout le corps devient saint. Il s'agit du cœur. Il est ainsi le roi des membres. C'est lui qui commande. إذا حلت الهداية قلبا نشطت بالعبادة الأعطى. Nous avons ici aussi l'information de Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam que le cœur est aussi le lieu du regard divin. محل نظر الله عز وجل. أتريد أن يكون بيتك نجسا إذا علمت أن الله مطلع عليه. Si on te dit qu'un roi va visiter ta maison, là où tu habites, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas le purifier ou est-ce que tu vas le laisser comme ça? En toute évidence, tu vas le purifier. Si tu sais maintenant que Allah tabaraka wa ta'ala regarde ton cœur, alors qu'est-ce que tu dois faire en conséquence? Et c'est pas moi qui le dis, c'est celui de Muhammad sallallahu alayhi wa dans l'authentique de Muslim. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum ولا إلى أشكالكم وفي رواية ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وفي رواية إلى قلوبكم وأعمالكم. Allah ne regarde ni vos formes ni vos biens. Il regarde vos cœurs. Il regarde vos cœurs. Donc ton cœur tu purifieras. Et nous allons voir justement comment purifier ce cœur pour qu'il soit digne de ce regard divin et pour qu'on puisse pratiquer un islam de fond, un islam de beauté, un islam qui va nous élever vers Allah tabaraka wa ta'ala et non pas un islam de forme, un islam d'ostentation, un habit qu'on va mettre dans des occasions et qu'on va enlever par ailleurs. Aqulu ma tasma'un wa tahhara Allahu qalbi wa qalbakum wa ja'alana ممن قال الحق فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. الحمد لله الواحد بلا عدد الحمد لله رافع السماء بلا عمد الحمد لله لم يولد ولم يلد والصلاة والسلام على المبعوث بالرشد وآله وصحبه والمقتدي أما بعد إخوة الإيمان إذا فهمنا أن القلب أمير الجوارح وأنه محل نظر الله عز وجل وفهمنا أن الجهاد الأكبر يكمن في تطهيره من رعوناته وأمراضه بل أحسن من ذلك أن يجعل الإنسان محط نظره واهتمامه هذا القلب حتى يقيه. الوقاية خير من العلاج. حتى يقيه كل هذه الأضرار. فكيف يكون ذلك يا ترى؟ Si on a compris que le cœur est le roi des membres, si on a compris que le cœur est le lieu du regard divin, si on a compris que nous devons purifier ce cœur pour qu'on puisse pratiquer la vraie religion. Eh bien, comment? Maintenant, la question, c'est comment, par quels moyens on arrive à cette purification? Et donc, à ce bonheur sans faille dont on a parlé en introduction. Al-jawabu kadhalika fi kitabillahi tabaraka wa ta'ala. Fi l'ayati lati sarattuha fi l'awwal. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. إذن الحل في ذكر الله عز وجل كثيرا. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. ذكرا كثيرا يقول وليس ذكرا. ذكرا كثيرا. إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة فهم يصلون وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك ولا يذكرون الله إلا قليلا ومن أكثر من ذكر الله عز وجل برئ من النفاق. Ainsi, mes chers frères, mes chères sœurs, le Coran nous rappelle que le remède est dans l'invocation d'Allah tabaraka wa ta'ala abondante, puisqu'il nous dit, n'est-ce pas par l'invocation d'Allah que s'apaisent les cœurs, ces cœurs qui résonnent, al-qulub allati ta'qil, elle acquiert cette raison spirituelle, cet éveil, par l'abandon, par le fait d'invoquer Allah abondamment, abondamment. Et le Coran nous rappelle que les hypocrites n'invoquent Allah que très peu. Et le Coran, enfin, nous ordonne d'invoquer Allah abondamment. Ô vous qui croyez, invoquez Allah de façon abondante. Et l'invocation d'Allah, zikr, englobe plusieurs éléments de la lecture du Coran, à la prière sur le prophète Sama qu'on a vu, à la demande du pardon, à la louange d'Allah. Oh, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Hisni, man qalaha dakhala hisni, ou man dakhala hisni amin adabi. La ilaha illallah. Khayru ma qultuhu ana wa nabi'una min qabli. La ilaha illallah. Ce mot extraordinaire, la ilaha illallah. Quand vous le répétez plusieurs fois, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? À l'intérieur, vous allez acquérir plusieurs valeurs. La première, c'est l'amour d'Allah tabaraka wa ta'ala. Du hadith de Ummu Anas, qui est venu demander conseil à Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi les conseils précieux qu'il lui a donné, wa akthiri min dhikrillah. Wa akthiri min dhikrillah. Fa innaki lan talqayna Allah bi shay'in ahabba ilayhi min kathrati dhikrihi. Ahabba ilayhi min kathrati dhikrihi. Allah nous informe, son prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur la langue de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, que le plus aimé des actes pour Allah tabaraka wa ta'ala, c'est son invocation abondante. Plus tu l'invoques abondamment, plus tu l'aimes. Et si tu prétends l'aimer, tu ne peux que l'invoquer. L'un amène l'autre. Et les bienfaits et les fruits du dhikr sont nombreux. Un des grands savants, Ibn al-Qayyim al-Jawziya, a compilé ses bienfaits, ses fruits, al-thimar, dans son livre Al-Wabil al-Sayyib fil Kalim al-Tayyib. Il en a dénombré plus de 100. Mi'atu manfa'ah, li dhikrillah azza wa jalla. Bila ilaha illallah. Mi'a, 100, plus de 100. La meilleure étant l'amour d'Allah. La meilleure étant le fait de se prémunir de l'hypocrisie. La meilleure étant l'apaisement, ce bonheur tout intérieur. Sa'ada. Et il est de loin le meilleur acte qui permet la vie du cœur. On a parlé tout à l'heure de la mort du cœur. Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous informe et nous dit, dans ce que rapporte Abu Musa al-Ash'ari dans son authentique, مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لَا يَذْكُرُ رَبَّهُ كَمَثَلِ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ. L'exemple de celui qui invoque Allah tabaraka wa ta'ala et de celui qui ne l'invoque pas, c'est l'exemple du vivant et du mort. Choisissez donc votre camp. Si on veut la vie du cœur, eh bien, invoquons Allah de façon abondante pour chasser justement ces waswas, ces vicissitudes, cette amertume et gagner en apaisement. Dhikrullahi dawa wa dhikrun nasida. Dhikrullahi dawa wa dhikrun nasida. Walitibiani. أهمية الذكر وأفضليته على سائر الأعمال نختم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها لدرجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق والفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا عناقهم ويضربوا عناقكم قلنا يا رسول الله بلى قال ذكر الله قال ذكر الله. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe quel est le meilleur des actes. Il nous dit, meilleur pour vous, est-ce que je ne vous informe pas du meilleur de vos actes? Meilleur pour vous que de dépenser or et argent. Meilleur pour vous que de rencontrer vos ennemis, de les tuer ou qu'ils vous tuent. L'acte le plus pur chez Allah, le plus aimé chez Allah. Ils ont dit, c'est quoi au messager d'Allah? Alors il a répondu, dhikrullah, l'invocation d'Allah. Invoquez Allah abondamment et vous verrez. Et vous verrez, c'est la clé du bonheur dans ce monde et dans l'autre. Inna dhikra yufsahu sa'adat wa sababi kulli al-khayrat wa al-sabil al-awhad li mahabbatillahi azza wa jalla wa ridah wa tard al-waswas al-khannas wa ja'alika ayyuha al-mu'min wa ayyatuha al-mu'mina fi kulli ma taf'al mubarakan marhuman muwaffaqan. اللهم اجعلنا وإياكم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات شغلنا بعيوبنا عن عيوب غيرنا شغلنا بعيوب أنفسنا عن عيوب غيرنا. يقول إمامنا مالك لا تكثر الكلام بغير ذكر الله فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب ولكن لا تعلمون ولكن لا تعلمون ولا تنظروا في عيوب الناس كأنكم أرباب وانظروا في عيوبكم فإنكم عبيد فالناس مبتلى ومعافى فاحمدوا الله على العافية وارحموا أهل البلاء. Et notre imam Malik avait dit, en rapportant une parole de Jésus, paix et salut sur lui, ne passez pas votre temps à bavarder sans invoquer Allah, car trop parler sans invoquer Allah est une dureté du cœur. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala fasse que notre cœur soit ouvert pour lui, qu'Allah tabaraka wa ta'ala occupe nos langues par son invocation abondante. Allahumma ja'alna min man qulta fihim rabbana ja'alna min man qulta fihim wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin waj'alna ya arhamar rahimin ashab al qalbi salim ashab al qalbi al makhmum la ithma fihi wa la ghilla wa la hasad. اللهم اجعلنا من أصحاب القلب المخموم التقي النقي لا إثم فيه ولا غل ولا حسد. كالله تبارك وتعالى purify nos cœurs. اللهم آت قلوبنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا رب العالمين. اللهم ارضى بنا فيما جرت به المقادر قبل نزولها وعند نزولها وبعد نزولها. اللهم يا أرحم الراحمين ولاة أمور نصلحهم مصلح على يدهم وارزقهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. اللهم يا أرحم الراحمين احفظ بلدنا. كالله تبارك وتعالى فاس que notre pays la France soit en paix. كالله تبارك وتعالى nous donne la paix, la prospérité, le bien vivre ensemble. كالله فاس de nous des ambassadeurs de la beauté sur les traces de Sayyiduna Muhammad صلى الله عليه وسلم par notre bon comportement, par notre bel agir, par notre sourire. آمين يا رب العالمين وارزقنا يا أرحم الراحمين حسن العمل وحسن الإخلاص. كالله تبارك وتعالى purify nos intentions pour lui. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala fasse que toutes nos intentions soient purement pour Allah tabaraka wa ta'ala pour lui. Allahumma ya arhamar rahimin khitim lana bil khatimati allati khatamta biha li anbiya'ika wa asfiya'ika wa awliya'ik hadha wa akthiru min as-salati wa taslim ala habibina wa shafi'ina wa tabibina wa qurrati 'aynina sayyidina Muhammad ibn Abdullah rasulillah. Allahumma salli 'alayhi wa 'ala alihi wa sahbihi qumu ila salatikum yarhamukum Allah.